إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on va commencer aujourd'hui le cours numéro 7. C'est le cours numéro 7 dans l'explication de la Aqidah des deux Razi, Abu Hatim al-Razi et Abu Zur'a al-Razi. Abu Hatim al-Razi, qui est mort en l'an 277 de la Hijra, et Abu Zur'a al-Razi, qui est mort en l'an 264 de la Hijra. Ce sont deux grands imams parmi les imams d'Ahl Sunnati wal Jama'a. Et on a expliqué dans les premiers cours leur biographie, leur courte biographie. Donc, alhamdulillah, aujourd'hui on va voir le point numéro 4 dans l'explication de Cheikh Rabi' Hafizahullah de cette aqidah des deux imams Razi, Raziyain, Aqidatul Raziyain, qui s'intitule Qurratul Aynain. Donc, on est arrivé au point numéro 4, et le point numéro 4, c'est au sujet de l'attitude de Ahl Sunnati wal Jama'a à propos des quatre Khulafa Rashidin, et du fait que ce sont les meilleurs de cette Ummah, et du fait que Ahl Sunnati wal Jama'a se distingue de toutes les autres groupes, de toutes les autres sectes, par le fait qu'elle respecte et qu'elle aime tous les sahaba sans exception, et en particulier les quatre khulafa rachidin, parce que selon la position de Ahl Sunnati wal Jama'a, on doit aimer et respecter tous les sahaba, mais ils ne sont pas tous au même niveau et au même degré dans l'amour et dans le respect. Certains sont plus méritoires que d'autres, certains sont plus hauts que d'autres ou élevés que d'autres dans le degré de leur foi et dans les actions qu'ils ont faites, et ainsi de suite. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Donc l'imam, les deux imams, Abu Hatim et Abu Zur'a, ont dit à propos de leur aqidah, qui est la aqidah des salafs, la aqidah d'Ahl Sunnah wal Jama'a, à ce sujet, au sujet de cette question, ils disent: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وهم الخلفاء الراشدون المهديون. Donc ils ont dit, رحمهم الله, ils ont dit tous les deux que les meilleurs de cette Ummah après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Bakr al-Siddiq, puis ensuite Omar ibn al-Khattab, et puis ensuite Uthman ibn Affan, et ensuite Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum, et ce sont eux qui sont les successeurs bien guidés, bien orientés, hein? et c'est eux dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé dans le hadith de Al-Irbad ibn Sariya, hein, qu'il y aura, qu'on devra s'accrocher à leur sunna et à la sunna des successeurs bien guidés après lui. Donc, dans l'explication, Cheikh Rabi', il commence en disant: فمن عقائد أهل السنة ومن أصولهم احترام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبهم واعتقاد فضلهم على سائر قرون الأمة رضوان الله عليهم. Donc il dit, parmi les croyances de أهل السنة والجماعة et parmi leurs fondements, il y a le fait qu'on doit respecter les compagnons du prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم, les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On doit les aimer et on doit croire en leur excellence et en leur supériorité, du fait qu'ils sont meilleurs que toutes les autres générations de la Ummah qui viennent après. Donc ça, c'est très important selon la position de Ahlus Sunnati wal Jama'a. Ça, c'est très important. Et on sait que qu'est-ce qui est mentionné dans cette aqidah des deux imams? Ce sont des fondements et des bases pour Ahl Sunnati wal Jama'a. Donc les éléments qui sont mentionnés ici, ce sont tous des éléments par lesquels les gens d'Ahl Sunnati wal Jama'a se distinguent des groupes et des sectes qui ont dévié du droit chemin par rapport à l'islam et par rapport à la compréhension de l'islam, la compréhension des salaf al-salih. Donc ce point-là, c'est un point fondamental, hein. Et il dit ensuite, Cheikh Rabi', il dit en citant la première partie de qu'est-ce que disent les deux imams, wa khayru hadhihi al-umma ba'da nabiyha Abu Bakr as-Siddiq. Et les meilleurs de cette umma après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après son prophète, c'est Abu Bakr as-Siddiq. Le cheikh, il explique, il dit: لا شك في هذا عند أهل السنة ويشاركهم في هذا الخوارج يفضلون أبا بكر وعمر ثم يبغضون عثمان ومن بعده علي وغيره ولكن أهل السنة والحمد لله هم دائما يدورون مع الحق ومع النصوص حيثما دارت رضوان الله عليهم. Donc il dit, le cheikh il explique, il dit, il n'y a pas de doute de cela, au sujet de cela, pour Ahl Sunnati wal Jama'a, pour les gens de la Sunna. Il n'y a pas de doute que Abu Bakr, radiyallahu anhu, c'est le meilleur de cette Ummah. Et parmi les gens qui ont été d'accord avec ce point-là, parmi les gens de l'égarement, il y a les Khawarij. Eux aussi, ils considèrent que Abu Bakr et Omar sont meilleurs. Mais ils contredisent Ahl Sunnati wal Jama'a du fait qu'ils détestent Othman et ils détestent après lui Ali radiallahu anhuma, et ils détestent ceux qui viennent ensuite. Tandis que Ahl Sunnati wal Jama'a, hein, ils les aiment tous, ils les respectent tous. Et par la grâce d'Allah, les gens de la Sunna sont toujours avec la vérité. Là où la vérité les amène, ils suivent la vérité. Là où les textes les amènent, eh bien, ils vont. Hein? Ils ne contredisent jamais les textes et ils ne contredisent jamais la vérité. Le cheikh dit ensuite: فَعَرَفُوا لِأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْرَهُمْ وَعَرَفُوا تَفَاوُتِهِمْ فِي الْفَضْلِ وَأَنَّ هُنَاكَ بَيْنَهُمْ تَفَاوُتًا فِي الْفَضْلِ كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بأبي بكر رضي الله عنه لأنه خير هذه الأمة ولا شك في ذلك عند أهل السنة ولا ينتطح عندهم فيها عن زان كما يقال. Donc il dit, les gens de la Sunna ont reconnu aux compagnons du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم leur statut et leur valeur et leur importance. Et ils ont également reconnu qu'ils sont ils ont différents degrés et ils sont différents dans leur mérite. Ils n'ont pas tous le même degrés dans le mérite. Certains sont plus méritoires que d'autres, certains sont plus méritants que d'autres, certains sont meilleurs que d'autres parmi les sahaba. D'accord? Et il a été, ça c'est quelque chose qui a été confirmé et rapporté de façon authentique de la part du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il a commencé par Abu Bakr radiyallahu anhu parce que c'est le meilleur de cette umma. Et il n'y a pas de doute à ce sujet-là pour les gens de Ahl-Sunnah, pour les gens de la Sunnah. Et il n'y a pas deux personnes qui divergent là-dessus. Il n'y a pas deux personnes parmi les gens de la Sunnah qui vont diverger là-dessus. Ensuite, il dit, « وَمِنْ ذَلِكَ » Donc, il va commencer maintenant à énumérer des preuves du Coran et de la Sunnah, hein, et surtout des hadiths, yani, au sujet du mérite de Abu Bakr et du fait qu'il est meilleur que les autres sahaba, hein, le meilleur d'entre les sahaba et le meilleur de cette umma après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il va commencer comme ça en mentionnant certains hadiths. Donc il dit ومن ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صرح بفضل ابي بكر صرح بفضل ابي بكر إن من أمن الناس علي في صحبتي وماله أبو بكر أو أبا بكر ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام ومودته. Donc il cite ce hadith qui est rapporté par Al-Bukhari, hein, qui est le hadith 3654 dans Sahih Al-Bukhari, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne de façon claire et explicite que le meilleur de cette umma c'est Abu Bakr après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit que parmi les hommes, celui envers lequel j'ai une plus grande faveur à cause du fait qu'il a été un bon compagnon pour moi et à cause du fait qu'il m'a aidé de ses biens, c'est Abu Bakr. Et il a dit, et si je devais prendre un Khalil, hein, c'est-à-dire un ami, autre que mon Seigneur, j'aurais pris Abu Bakr comme Khalil. Sauf qu'il y a la fraternité et l'amour de l'islam. Et donc c'est pour dire que un Khalil, c'est quoi? C'est quelqu'un que tu aimes d'un amour tellement particulier que cet amour-là ne peut pas être partagé avec quelqu'un d'autre. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de dire que si il devait prendre, en dehors de son Seigneur, quelqu'un d'autre pour être son Khalil, il aurait pris Abu Bakr. Et donc ça c'est pour dire qu'il l'aime plus que tous les autres. Mais étant donné qu'il a pris son Seigneur comme Khalil, donc il ne reste que l'amour de l'islam et la fraternité de l'islam pour Abu Bakr. Donc il mentionne, Cheikh Rabi ensuite il dit, « Rawa thalathatun min as-sahaba hadhihi al-khayriya li Abi Bakrin radiyallahu anhu, rawa thalika al-shaykhan al-Bukhari wa muslim wa ghayrihima. » Donc il dit que ça a été rapporté par trois d'entre les sahaba, ce hadith, et c'est rapporté par Abdullah ibn Mas'ud, Abu Sa'id al-Khudri, wa Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhum ajma'in. Et ça a été rapporté dans Al-Bukhari et Muslim et d'autres également. Donc cette préférence pour Abu Bakr, elle a été rapportée dans les hadiths authentiques rapportés par plusieurs sahaba et dans les deux livres les plus authentiques de hadiths et d'autres également. Et le cheikh il continue en expliquant le hadith un peu plus en détail. Il dit, en citant le hadith, لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر. Donc il cite le hadith qui dit, si je devais prendre un khalil autre que mon Seigneur, j'aurais pris Abu Bakr. Donc le cheikh il dit, هذه الخلة هي غاية المحبة لا يبذلها رسول الله لغير ربه سبحانه وتعالى وهو الذي يحبه غاية المحبة وكذلك خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام يحب ربه غاية الحب الذي لا يلحق. الشاهد في هذا الحديث أنه ينص على أفضلية أبي بكر على سائر الصحابة. إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، هذا شيء. والثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، يعني يقدمه على كل الناس. هذا صريح في تفضيل أبي بكر رضي الله عنه على عمر وعلى غيره من الصحابة أجمعين. Donc le Cheikh Rabi' il explique et il dit, en expliquant cette partie du hadith, que si j'aurais pris un autre, quelqu'un d'autre comme Khalil, autre que mon Seigneur, j'aurais pris Abu Bakr, il dit cette khulla, hein, khulla c'est le mot duquel on a pris Khalil, Khalil, khulla, donc c'est cet amour qui est particulier, qui ne peut être partagé avec quelqu'un d'autre, qui peut être offert uniquement à une seule personne. Eh bien, c'est le plus haut niveau de l'amour. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ne peut offrir cet amour-là à personne d'autre qu'à son Seigneur, qu'à son Rabb, Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il aime son Seigneur, yani du plus grand amour possible. De même que le Khalil d'Allah, Ibrahim, alayhi salam, lui également, il aimait son Seigneur d'un amour qui est le plus haut niveau de l'amour qui ne peut être égalé. Et qu'est-ce qu'on peut tirer comme témoignage de ce hadith-là? C'est quoi le point qu'on veut mentionner en citant ce hadith-là? C'est que Abu Bakr est meilleur et préféré à tous les autres sahaba. Hein? Et ça, c'est la preuve dans ce hadith. Et il y a deux choses qui le prouvent dans le hadith en question. La première partie du hadith, dans laquelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mentionne que parmi les gens qui ont une plus grande faveur sur lui, c'est Abu Bakr, à cause de du fait qu'il a été un bon compagnon pour lui et à cause du fait qu'il l'a aidé de ses biens et de son argent. Donc ça, c'est la première aspect ou la première preuve de sa supériorité sur les autres, qu'il a une plus grande faveur vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam que les autres. Et la deuxième aspect, c'est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: et si je devrais prendre un khalil autre que mon Seigneur, j'aurais pris Abu Bakr. Ça veut dire que cet amour là si je devais prendre quelqu'un d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala comme khalil, j'aurais pris Abu Bakr. Mais étant donné que cette khulla ne peut être partagée, donc je l'ai uniquement donné à Allah subhanahu wa ta'ala, mais sinon il reste quand même l'amour de l'islam et la fraternité de l'islam. Et il explique, le cheikh, il dit, c'est-à-dire que il n'y a personne qui devance Abu Bakr dans la supériorité et l'excellence qu'il a. Il n'y a personne qui devance Abu Bakr. Et il n'y a personne qui est meilleur que lui dans cette umma. Et ça, c'est clair et explicite dans ce hadith. Pas même Omar ibn al-Khattab. C'est-à-dire, même Omar ibn al-Khattab, il n'est pas meilleur que Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu. De même qu'aucun d'entre les autres sahaba. Donc, Abu Bakr, c'est le meilleur de cette umma après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Personne ne le devance dans cette excellence qu'il a. Et il dit: wa huwa khayrun nas ba'da al-anbiya alayhi as-salatu was-salam ba'da al-anbiya war-rusul ya'ti Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Donc il dit que il est le meilleur homme après les prophètes. Après les prophètes et les messagers, il n'y a pas meilleur que Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Subhanallah. لأنه أول من أسلم هذا قول. لأنه أول من أسلم. Donc il y a une position qui mentionne une preuve qui dit que une des raisons de ça, c'est parce que il était le premier à s'être converti à l'islam. dit وَبَذَلَ نَفْسَهُ وَمَالَهُ فِي نُصْرَةِ الْإِسْلَامِ فِي أَيَّامٍ خَذَلَهُ فِيهَا النَّاسِ عَلَيْهِمْ خَذَلَهُ فِيهَا النَّاسِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ وَأَعْتَقَ بِلَالًا وَأَعْتَقَ غَيْرَهُ وكان يبذل نفسه وماله في نصرة الإسلام رضوان الله عليهم فاستحق هذه المرتبة. Donc il dit, parce qu'il est le premier à s'être converti à l'islam, ça c'est un premier point, puis ensuite parce qu'il a défense, il a dépensé sa personne, de sa, il a donné de sa personne, il a dépensé de ses biens pour défendre l'islam dans une époque ou dans une période où tout le monde avait abandonné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc lui, au moment où tout le monde a abandonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui il est resté sincère et il est resté véridique. Et il a également, parmi les biens qu'il a fait, c'est qu'il a libéré Bilal ibn Abi Rabah, un des grands parmi les sahaba, et il a libéré également beaucoup d'autres d'entre les esclaves au début de l'islam. Donc tout ça, c'est des exemples de l'effort qu'il a fait pour la cause de l'islam et comment il a dépensé de sa personne et de ses biens pour défendre l'islam. Et c'est pour cette raison qu'il a mérité ce degré. C'est pour cette raison qu'il a mérité ce degré. Ensuite, il mentionne le deuxième qui a été cité dans le mérite et dans l'excellence. C'est Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Donc il dit Omar كان شديدا على الإسلام ولم يسلم إلا في السنة الخامسة أما أبو بكر فمنذ أن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو يقول أنا رسول الله صدقه ولم يرتدد radiyallahu anhu ولم يتردد. Donc il dit Omar ibn al-Khattab, au début, il était dur contre l'islam. Et c'était quelqu'un qui était dur contre l'islam et les musulmans. Et il s'est converti à la cinquième année de la Hijra. Après le début de la da'wah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, 5 ans après le début de la révélation, Omar ibn al-Khattab s'est converti. Tandis que Abu Bakr, Abu Bakr radiyallahu anhu, eh bien il s'est converti depuis le moment qu'il a entendu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a appelé à l'islam et qu'il a dit je suis le messager d'Allah. Il a cru en lui depuis le début, tandis que Umar ibn al-Khattab, lui, il s'est converti seulement dans la cinquième année. Ensuite, il mentionne donc les bienfaits et les mérites de Omar ibn al-Khattab, qui est le deuxième en position, yani dans l'excellence et le mérite, parmi les khulafa ar-rashidin. Donc il dit Omar, wa Omar a'azzallahu bihi l'islam, wa hafizallahu bihi l'islam, qala ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ma zilna a'izzatan منذ aslama Omar. C'est-à-dire qu'il mentionne le cheikh que Allah subhanahu wa ta'ala a donné à l'islam sa puissance et sa force avec Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Et Allah subhanahu wa ta'ala a préservé l'islam par l'intermédiaire ou par Omar ibn al-Khattab. Et il mentionne une parole de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qui dit que depuis que Omar ibn al-Khattab s'est converti, nous sommes restés forts et fiers et puissants. Depuis la conversion de Omar ibn al-Khattab, nous sommes restés fiers et puissants et forts. ثُمَّ لَهُمْ مِنَ الْجِهَادِ وَالْفَضْلِ مَا يَفُوقُونَ بِهِ غَيْرَهُمْ Abu Bakr قَضَى عَلَى حَرَكَةِ الرِّدَّةِ ثم دفع الجيوش للجهاد في سبيل الله إلى العراق والشام رضي الله عنه. Ensuite, ils ont également des mérites dans la lutte qu'ils ont portée, dans le jihad qu'ils ont fait. Ils ont des mérites qui dépassent tous les autres dans l'islam. Abu Bakr رضي الله عنه, c'est lui qui a arrêté le mouvement et la fitna de l'apostasie après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'un grand nombre d'entre les Arabes, hein, parmi les différentes tribus, avaient apostasié de l'islam. Alors il a yani, combattu ces différentes tribus, et également il a envoyé des armées pour combattre dans le sentier d'Allah et lutter dans le sentier d'Allah en Irak et en Syrie, hein, radiyallahu anhu. ثم تلاه عمر رضي الله عنه في الفتوحات ونشر الإسلام وفي إقامة العدل في الأرض رضي الله عنه ملأ الدنيا عدلا رضي الله عنه وله من الفضائل الشيء الكثير. Donc il dit ensuite, il a été suivi par Omar ibn Khattab رضي الله عنه dans les conquêtes et dans la propagation de l'islam et dans le fait d'établir la justice sur la terre. Radiallahu anhu. Il a rempli la terre de justice et il a de nombreuses de nombreux mérites, hein, et de nombreuses choses qu'il a fait parmi les mérites qu'il a. Il énumère certains d'entre les mérites de Omar ibn al-Khattab. Il dit: min fada'ili Omar radiallahu anhu anna al-Nabiya sallallahu alayhi wa sallam qal baynama ana na'im أوتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج من أذفاري ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب قالوا فما أولته يا رسول الله قال العلم قال العلم. Donc il dit, parmi les mérites de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, il dit que lorsqu'il dormait, hein, ça c'est dans un rêve, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mentionne un rêve. Il dit que lorsqu'il dormait, on lui a donné un contenant ou un pot, et dans ce pot il y avait du lait. Il y avait du lait dedans. Et il en a bu jusqu'à ce qu'il a été rassasié. Hein, il n'avait plus soif, il n'avait plus faim. Et ensuite, il a vu que comme du lait qui sortait de ses ongles, hein, tellement il en avait bu. Puis, il a dit, et j'ai donné de qu'est-ce qui restait en surplus à Omar ibn al-Khattab. C'est-à-dire, il restait du lait encore, alors il l'a donné à Omar ibn al-Khattab. Alors les sahaba ont demandé, et comment l'as-tu interprété au messager d'Allah? Comment as-tu interprété ce livre, ce rêve? Il a dit, c'est al-ilm. Al-ilm. C'est-à-dire que le lait en question, c'est la science. Hein? Donc il en a bu jusqu'à ce qu'il en avait, il en a été rassasié, et jusqu'à ce que ça sorte de ses ongles, et il en a donné le surplus à Omar ibn al-Khattab. Et donc c'est pour montrer que Omar ibn al-Khattab, il avait un mérite, et un de ses mérites, c'est qu'il avait beaucoup de science de l'islam. Il dit wa qala rasulullah, et ça c'est un hadith rapporté par al-Bukhari et Muslim. Il dit wa qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bayna ana na'im ra'aytu an-nasa yu'raduna alayya وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولته ذلك يا رسول الله فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين. Donc ça c'est un autre hadith qui mentionne également un autre rêve que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait. Il dit, alors que je dormais, j'ai vu les gens qui se présentaient tous devant moi. Ils étaient tous présentés devant moi. Et ils avaient tous des vêtements. Ils avaient tous un vêtement. Certains d'entre eux avaient un vêtement qui arrivait jusqu'à la poitrine, jusqu'au sein. Et d'autres avaient des vêtements qui étaient plus courts. Hein? Et donc Quand Omar ibn al-Khattab lui a été présenté, il avait un vêtement tellement long qu'il le traînait. Et donc, il a dit, comment l'as-tu interprété au messager d'Allah? Il a dit, par la religion. Donc ce vêtement-là, qui était plus court chez certains, plus long chez d'autres, c'était leur niveau de religion, leur quantité de religion. Et la façon dont ils pratiquaient la religion. Ensuite il dit, Abu Bakr, summa Omar, summa Uthman, radiyallahu anhu. لَهُ مِنَ الْفَضَائِلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي بِئْرَ رُومَةٍ فَيَجْعَلْ فِيهَا دَلْوَهُ مَعَ دِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ فَاشْتَرَاهُ فَحُذِيَ بِهَذَا الْوَعْدِ هذا الوعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc, il mentionne que donc, le premier dans le mérite, c'est Abu Bakr, radiyallahu anhu. Puis ensuite, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Puis ensuite, Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu. Et Uthman ibn Affan, c'est le troisième dans le mérite. Et il a de nombreux mérites. Et parmi ces mérites, c'est que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, qui achètera le puits de Rouma? Qui achètera le puits Rouma et qui va donner son sceau hein, comme étant un des sceaux des musulmans, un sceau dans le sens le contenant pour prendre l'eau dedans, avec le contenant avec lequel tu prends l'eau dans le puits, celui qui va faire que ce sceau-là soit pour les musulmans. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner un meilleur sceau que celui-là dans le paradis. Alors, c'est Uthman ibn Affan radiyallahu anhu qui l'a acheté et qui en a fait don pour les musulmans. Hein? Parce qu'il appartenait auparavant à un juif. Et donc, il fallait payer pour avoir de l'eau de ce puits. Tandis que Uthman ibn Affan, qui était un riche commerçant, il avait beaucoup d'argent et donc, il était très généreux et avec son argent il a fait beaucoup de bien pour l'islam et les musulmans, et parmi les biens qu'il a fait, c'est qu'il a acheté ce puits pour que les musulmans puissent boire de son eau gratuitement. Ok, et ça c'est quelque chose qui a été un de ses grands mérites et par laquelle il a reçu cette promesse du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam du paradis. Hein? Et donc ça c'est rapporté par At-Tirmidhi et An-Nasa'i et c'est un hadith hassan. Naam. Ensuite il dit wa fi jaysh al-usra qala man yujahhizu al-jaysh aw kama qala alayhi as-salatu was-salam fajahhaza Uthman nisf al-jaysh wa qaddama adh-dhahab wal-fidda radiyallahu anhu faqala ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. Donc ça c'est l'exemple des mérites de Uthman ibn Affan également, c'est qu'il a préparé un régiment complet, il les a équipés des armes et de tout ce qu'ils avaient besoin pour la guerre, hein? Donc il a dépensé de ses biens et de sa richesse pour équiper un régiment entier. En fait, c'était une armée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait préparée, et il a dit, qui va équiper cette armée? Alors, Uthman ibn Affan a équipé la moitié de cette armée. Il a dit, il a présenté de l'or et de l'argent pour pouvoir payer les équipements nécessaires pour ses soldats, pour ceux qui allaient partir. Alors, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son sujet après qu'il ait fait ça? Il a dit, après ce jour, plus rien de ce que Uthman peut faire ne peut lui nuire. Hein? Plus rien, il n'y a plus rien qui peut nuire à Uthman après ce jour. Ça y est. Hein? Et donc ça c'est également un hadith qui est hassan, rapporté par l'imam Ahmad et At-Tirmidhi et Cheikh Al-Albani. Il a dit au sujet de ce hadith qu'il est hassan. Donc c'est un bon hadith. Il dit وَكَذَلِكَ مِنْ فَضَائِلِهِ, comme c'est rapporté par Al-Bukhari, il dit أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي صُلْحَ الْحُدَيْبِيَةِ ابْتَعَثَهُ إِلَى قُرَيْشِ لِيُهَدِّي فِتْنَتَهُمْ لأنه كان له جاه أكثر من غيره فذهب عثمان رضي الله عنه ودعا الداعي إلى البيعة تحت الشجرة في الحديبية فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ثم وضع يده اليمنى على يده اليسرى وقال هذه لعثمان وهذه مزية له رضي الله عنه. Il dit également, parmi les exemples, qu'est-ce qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, qui montre les mérites de Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, c'est que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait envoyé Uthman ibn Affan à la Mecque pour négocier avec Quraysh, et pour les calmer dans la fitna. Parce qu'il avait un prestige, c'est-à-dire que les gens de Quraysh avaient un respect pour lui. Hein, il avait un prestige. Hein, Uthman ibn Affan faisait partie des grandes familles de Quraysh et il était parmi les riches commerçants. Donc les gens de Quraysh, même malgré qu'il était musulman, les grands de Quraysh avaient un respect pour lui et ils écoutaient sa parole plus que les autres. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé là-bas exprès pour négocier avec eux. Et donc, lorsque les sahaba se sont réunis autour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lors de l'entente qui a été signée avec les mouchriquines le jour de Al-Hudaybiyah, sous l'arbre, ils ont fait un serment d'allégeance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, chacun ont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a allongé sa main et les sahabes ont mis leur main par-dessus la main du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour prêter allégeance. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mis sa main droite sur sa main gauche à lui et il a dit cette main droite elle est pour Uthman, parce que Uthman radiallahu anhu était absent. Et donc il a mis sa main sur la main, sur sa main, la main droite sur sa main gauche pour faire l'allégeance au nom de Uthman radiallahu anhu. Et ça c'est un des mérites et des particularités de Uthman radiallahu anhu, puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait le serment pour lui à sa place avec sa propre main, hein, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit walahu min al-fadli wal-bazli wal-infaqi fi sabilillahi al-shay al-kathir radiyallahu anhu. Il dit également il a comme mérite et comme dépense et comme effort qu'il a fait dans le sentier d'Allah de grandes choses, hein, radiyallahu anhu. Il dit wa hadha bi-ittifaq ahli sunnati fi hadha at-tafdil yufaddiluna bayna as-sahaba Abu Bakr awwalan thumma yatluhu Umar thumma yatluhu Uthman thumma yatluhu علي رضي الله عنه على ترتيب خلافتهم. Il dit, et ça c'est selon l'accord des gens de la sunna, tous les gens d'Ahl sunna et wal jama'a sont d'accord sur cette ordre dans l'excellence et dans le mérite des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des khulafa ar-rajidin. Donc ils sont tous d'accord pour dire que les meilleurs d'entre les sahaba, premièrement, c'est Abu Bakr. Ensuite, il est suivi de Omar. Ensuite, il est suivi de Uthman. Et ensuite, il est suivi de Ali, radiallahu anhu. Et c'est selon l'ordre du khilaf, de leur khilafa. Donc, l'ordre de leur mérite est le même que l'ordre de leur khilafa. Et ça a été rapporté, comme on l'a dit, par Al-Bukhari. Il dit, selon Ibn Omar, قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. Donc il a dit, Ibn Omar il dit, à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on n'égalait personne avec Abu Bakr. On ne mettait personne à égalité avec Abu Bakr. Puis ensuite Omar, puis ensuite Uthman, et puis ensuite on laissait les autres sahaba et on ne faisait pas de préférence entre les autres. Hein? On laissait les autres. Il dit, Cheikh Rabi, Hafizahullah, Fadluhum ala hadha tartib. Tartibu khilafatihim, wa tartibu khilafatihim. Wa man ta'ana fi khilafati ahadin minhum, fahuwa dallun mudil. Yaqulu Cheikh al-Islam, adallu min himari ahlihi. Donc, le cheikh, il dit que ça, c'est leur mérite, selon cet ordre. Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, radiyallahu anhum. Et cet ordre, c'est le même ordre que l'ordre de leur khilafa. Et il dit, celui qui critique ou qui attaque le khilafa de l'un d'entre eux, alors c'est un égaré égareur. Alors c'est un égaré égareur. C'est-à-dire un égaré en lui-même, et qui égare les autres. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, pour décrire cette personne, c'est-à-dire celui qui veut critiquer le khilafa de l'un d'entre ses cadres, il a dit qu'il est plus égaré que l'âne de sa famille. Il est plus égaré que l'âne de sa famille. Ça, c'est une expression que les Arabes disaient. On voulait dire, il est égaré totalement. Et ça, il l'a rapporté dans son livre Al-Aqidatul Wasitiyya. Il a dit, donc celui qui préférait, celui qui attaquait le khilafa de l'un d'entre eux, alors il était plus égaré que l'âne de sa famille. Et ça, c'est pourtant, c'est ça ce que font les gens de bid'ah, comme les rafida, les khawarij, et les gens de bid'ah qui sont venus par la suite et qui ont suivi ces groupes d'égarements-là, qui détestent certains d'entre les sahaba, et qui critique certaines entre les khulafa, comme par exemple Sayyid Qutb, qui attaque Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, et qui prétend que son khilafa était un trou entre le khilafa de Omar et de Ali radiyallahu anhum. Donc ça, c'est un exemple de que cette parole de Cheikh al-Islam, elle s'applique sur Sayyid Qutb, qu'il est plus égaré que l'âne de sa famille. Après, le cheikh, il dit, ولكن في المفاضلة بين علي وعثمان فقط كان بعض أهل السنة يفضل عليا على عثمان ثم استقر الأمر على اتفاق أهل السنة على تفضيل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وكلهم خلفاء راشدون رضي الله عنهم. Il dit, c'est seulement entre Ali et Uthman qu'il y avait eu chez certains d'entre les gens de la Sunna une préférence pour Ali au-dessus de Uthman, mais par la suite la question ça s'est clarifié et ça s'est stabilisé et les gens se sont mis d'accord, les gens de la Sunna ont été d'accord pour dire que le mérite et la préférence c'était pour Abu Bakr, puis ensuite Omar, ensuite Uthman, puis Ali en quatrième. Et ils sont tous des khulafa rachidoun, radiyallahu anhum, sont tous des khulafa bien guidés, que Allah soit satisfait d'eux. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il mentionne dans Al-Aqidatul Wasitiyyah, وَيَشْهَدُونَ بِالْجَنَّةِ لِمَنْ شَهِدَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ كَالْعَشْرَةِ وكثابة بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار. Donc il dit que les gens Ibn Taymiyyah, dans Al-Aqidatul Wasitiyya, il dit que les gens de la Sunna, ils témoignent du paradis pour celui pour qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a témoigné du paradis, comme les 10, c'est-à-dire al-ashra, al-mubashirina bil-jannah. Parmi ces 10, il y a les 4 premiers qui sont les khulafa al-rashidin, puis les 6 autres. Et en dehors de ces 10, il y a d'autres sahaba aussi qui ont été mentionnés dans les hadiths comme étant promis au paradis aussi. Et parmi ceux-là, il y a Thabit ibn Qais, ibn Shammas, et d'autres également parmi les sahaba à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné qu'ils seront au paradis. Et il dit ensuite, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, que les gens de la sunna affirment et confirment que qu'est-ce qui a été rapporté de façon par un nombre tellement grand de personnes qu'on ne peut pas le nier, hein, selon le rapport de Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, et d'autres également qui ont dit que les meilleurs de cette umma après le prophète c'est Abu Bakr, puis ensuite Omar, puis ils mentionnent le troisième comme étant Uthman et le quatrième comme étant Ali radiyallahu anhum, comme ça a été prouvé par les narrations. Et il dit, wa kama ajma'at as-sahaba 'ala taqdim 'Uthman fi al-bay'ah ma'a anna ba'd ahli as-sunnah kanu qad ikhtalafu fi 'Uthman wa 'Ali ba'd ittifaqihim 'ala taqdim Abi Bakr wa 'Umar ayyuhuma afdal faqaddama qawmun 'Uthman wa sakatu أو ربعوا بعلي وقدم قوم عليا وقوم توقفوا ولكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة ولكن المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة الخلافة. Donc il dit ici, de même que les sahaba étaient tous d'accord pour dire que Uthman est meilleur dans la, a été donné précédence dans l'allégeance, dans la bay'a ou le khilafa, lors de la mort de Omar, hein, radiyallahu anhu, ils ont Omar ibn al-Khattab avait laissé une liste de sahaba parmi lesquels on devait choisir le khalifa. Et parmi les 6 en question, il y avait Uthman ibn Affan, Ali et Abdurrahman ibn Auf et Sa'd ibn Abi Waqqas et d'autres également. Et c'est Uthman ibn Affan qui a été choisi pour être le troisième khalifa. Et donc, c'est-à-dire qu'ils ont choisi le meilleur d'entre eux. Il dit, Cheikh al-Islam, il dit que certains des gens de la Sunna avaient divergé à propos de Uthman et Ali. Mais après, ils avaient divergé. Qui est meilleur, Uthman ou Ali? C'est-à-dire, après Abu Bakr et Omar, ils se demandaient lequel des deux était meilleur après. Est-ce que c'était Uthman ou Ali? Mais il dit que certains donnaient préférence à Uthman, puis ils rajoutaient rien. Ils disaient rien d'autre après. D'autres, ils mentionnaient comme quatrième, après Uthman, ils mentionnaient Ali. Et d'autres donnaient précédence à Ali sur Uthman. Et un autre groupe, et ils disaient rien du tout. Hein, ils s'abstenaient de parler là-dessus. Mais la position s'est stabilisée chez les gens de la Sunna par la suite, sur la position que Uthman avait précédence, puis ensuite Ali. Donc Uthman avait précédence, et ensuite Ali, radiyallahu anhu. Et il dit cette question, ou ce sujet de qui était meilleur, Uthman ou Ali, c'était pas une question au sujet de laquelle on pouvait déclarer quelqu'un comme étant égaré, s'il s'était trompé à ce sujet-là. Hein? Donc on n'allait pas, selon la majorité des gens de la Sunna, ils n'allaient pas déclarer quelqu'un égaré par rapport à cette question, qui est meilleur, Uthman ou Ali. Sauf que la question sur laquelle ils allaient déclarer quelqu'un égaré, s'ils divergeaient à ce sujet-là entre Uthman et Ali, c'est la question du khilafa. Parce que ça, c'est les Rafida qui ont ramené l'idée que c'était Ali qui devait être le premier khalifa. Et qu'ils déclarent kuffar tous les autres. Hein, parce qu'ils disent qu'ils ont volé le khilafa de Ali, radiallahu anhum. Donc ça, c'est une question. Si quelqu'un diverge dans le khilafa, eh bien, il s'est égaré. Il dit, وذلك بأنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله. انتهى كلامه. Donc il dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah que les gens de la Sunna croient que le khilafa après le messager صلى الله عليه وسلم, hein, la succession du messager, sallallahu alayhi wa sallam, c'est premièrement Abu Bakr, puis ensuite Omar, puis ensuite Othman, et ensuite Ali, radiallahu anhum. Puis si quelqu'un critique ou attaque le khilafa de l'un d'entre ces quatre, eh bien, yani, il est plus égaré que l'âne de sa famille. Donc ça, c'est la fin de la citation de Al-Aqidat al-Wasiti et de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah à ce sujet-là. Ensuite, le Cheikh Rabi' Hafizahullah, il continue et il mentionne, donc ensuite, le Cheikh Rabi' Hafizahullah, il dit, « Wa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa al-rashidin al-mahdiyin, wa addu alayha bin nawajiz. » Il mentionne donc ce hadith. Il dit, « Wa iyaakum » Il continue, il dit, وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. Donc, il mentionne le hadith qui est très célèbre, qui est le hadith d'Al-Urbad ibn Sariya, qui est un hadith sahih, rapporté par Ahmad, Abu Dawud, Al-Tirmidhi, et Ibn Majah également, et qui est un hadith célèbre, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes successeurs bien guidés après moi. Mordez dedans avec vos molaires. Et prenez garde aux nouvelles choses inventées. Car toute nouvelle chose inventée est une bid'a dans la religion et toute bid'a est un égarement. Donc le cheikh il dit, والناس يفزعون عند الاختلاف عند الاختلافات يفزعون إلى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى هدى الخلفاء الذي وصفهم بأنهم راشدون وصفهم بأنهم على هدى وأن هذا الهدى يقتدى به وأنهم راشدون رضوان الله عليهم فبرأهم من الضلال وبرأهم من الغي لأن الرشد ضد الغي والهدى ضد الضلال رضي الله عنهم فهم أهل تقوى وأهل هدى وأهل رشد. Donc il dit, les gens lorsqu'ils ont des divergences et qu'ils ont yani des problèmes avec les divergences, ils se précipitent vers la guidance du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et vers la guidance des khulafa ar-rashidin. Hein? Parce que ils ont été, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a décrits comme étant rachidoun. Rachidoun qui vient du mot rushd. Et rushd qui veut dire la droiture. Donc ce sont des gens droits, des gens de la droiture. Il les a décrits comme étant sur la guidance. Ok? Il les a décrits comme étant mahdiyin. Rachidin, mahdiyin. Ou rachidoun, mahdiyoun. Rachid qui vient de rushd. Et Mahdi qui vient de Houda. Ok? Et donc c'est pour dire que Ar-Rush qui veut dire la droiture et Al-Houda qui veut dire la guidance. Et donc il les a décrits comme étant droit et comme étant bien guidé. Hein? Comme étant sur la guidance. Et cette guidance, c'est une guidance qu'on peut prendre comme exemple et qu'on peut suivre. Hein? Dans le sens qu'ils sont bien guidés et il les a décrits comme étant sur la guidance, et que cette guidance, on peut la prendre comme modèle et comme exemple, et qu'ils sont droits, et donc, par cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a innocentés de l'égarement, hein, à mentionner leur innocence de l'égarement et à mentionner également leur innocence de la déviation. Et de la déviation, c'est-à-dire le contraire de ar-rushd, le contraire de la droiture, qui est la déviation. Donc ils sont préservés de l'égarement et préservés de la déviation. Et il dit donc que al-ray, c'est le contraire de ar-rushd, la déviation c'est le contraire de la droiture, et al-huda, c'est le contraire de ad-dalal. Donc la guidance c'est le contraire de l'égarement. Donc ils sont des gens de la piété, des gens de la guidance et des gens de la droiture. Il dit لهذا حث رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة عند اشتداد الخلافات بين الفرق أن يفزع الصادقون المخلصون إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الراشدون رضوان الله عليهم. Donc il dit, c'est pour ça que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a incité sa umma lorsqu'il y avait des divergences et que les divergences commençaient à devenir dures entre les différentes sectes et les différents groupes, de se précipiter vers les gens sincères, les gens purs dans leurs intentions, les véridiques, hein, que les gens véridiques et sincères se précipitent vers ce sur quoi ce que suivait le messager d'Allah et vers ce que suivaient ces bien guidés, ces gens de la droiture, c'est-à-dire les sahaba, les khulafa ar-rashidun, les quatre khulafa ar-rashidin. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a orientés vers sa sunna et leur sunna. Et il a dit ensuite, Cheikh Rabi' hafizahullah, il dit wa Ali radiyallahu anhu lahu fada'il kathira jiddan, fada'il as-sahaba umuman duwinat fi dawawin kathira, wa ma min kitabin min kutub as-sunna illa wa tajidu fihi fadl as-sahaba wa ulifat fihi kutubun khassa fi bayan fadlihim wa minha. Donc là le Cheikh Rabi' hafizahullah, il explique. Il dit que Ali, radiallahu anhu, également, qui est le quatrième d'entre les khulafa ar-rashidin, qu'il a également de nombreux mérites. Et il dit que, de façon générale, les mérites des sahaba ont été compilés dans des livres. Dans de nombreux livres. Il y a de nombreux livres qui mentionnent les mérites des sahaba. Ridwanallahi alayhim. Et il y a également dans les livres de la Sunna des chapitres sur le mérite des Sahaba. Donc si tu regardes par exemple dans les livres de Hadith, par exemple Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daoud, At-Tirmidhi, An-Nasa'i, Ibn Majah, tu trouves dans ces livres des chapitres au sujet des mérites des sahaba. Hein? Donc, ils ont tous mentionné les mérites des sahaba dans leurs livres. Et ça, c'est pour montrer que ce sont des... Hein, ça fait partie des fondements de l'islam. Hein, le mérite des sahaba. Et la raison pour laquelle c'est très important, et c'est si important de comprendre le mérite des sahaba, c'est que, comme les ulama l'ont expliqué, les sahaba, c'est le chaînon, hein, et le lien et la chaîne entre nous et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que c'est la génération qui sert de véhicule à la révélation. C'est par cette génération-là, la génération des sahaba, que le Coran et la Sunna nous a été transmis. Et donc si quelqu'un salit ou parle contre cette génération-là, ou critique cette génération, ou l'attaque, c'est comme s'il est en train d'attaquer l'authenticité de cette religion. C'est comme s'il était en train de mettre un doute dans la transmission même de cette religion. Et c'est ça, c'est ce que essaient de faire justement les Rafida et les gens d'égarement parmi les gens de bid'a, ils essaient de mettre des doutes et d'éloigner les gens de la génération des sahaba, et ils parlent contre eux justement pour justement briser ce lien et cette chaîne entre nous et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans les livres de la sunna, il y a des chapitres sur le mérite des sahaba, et il y a d'autres livres qui ont été écrits par la suite par des ulama qui sont des livres qui ont été écrits uniquement sur le mérite des sahaba. C'est-à-dire que ce n'est pas un chapitre parmi un livre, c'est un livre entièrement écrit uniquement sur ce sujet-là. Hein? Et parfois, c'est même des livres qui contiennent plusieurs volumes. Hein? Et le cheikh, il mentionne certains de ses écrits, certains de ses livres qui ont été écrits par les ulama au sujet, et en est du mérite des sahaba, et il cite cinq titres. Le premier qu'il mentionne, c'est Fada'il al-Sahaba. Le premier livre qu'il cite, c'est le livre Fada'il al-Sahaba l'imam Ahmad ibn Hanbal radiyallahu anhu, imam ahli sunnah. Donc ça, c'est un livre écrit par l'imam Ahmad ibn Hanbal qui parle des mérites des sahaba, et ça, c'est écrit par l'imam Ahmad ibn Hanbal, l'imam de la sunnah, l'imam des gens de la sunnah. Le deuxième titre, c'est le livre écrit par l'imam Abi Nu'aym. Par Abi Nu'aym, qui s'intitule « Ma'rifatu Sahaba », c'est-à-dire la connaissance des Sahaba, connaître les Sahaba. « Ma'rifatu Sahaba ». Donc ça, c'est le deuxième livre écrit par Abi Nu'aym. Le troisième livre, c'est le livre qui s'intitule « Al-Isaba ». Al-Isaba, écrit par l'imam Ibn Hajar, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Al-Isaba, c'est un livre qui mentionne les Sahaba, et c'est plusieurs volumes. C'est un livre de plusieurs volumes. Et il y a un autre livre écrit par l'imam Ibn Abdul Barr, Abu Yusuf. Abu Yusuf ibn Abdul Barr ou Abu Omar. Abu Omar, peut-être c'est Abu Omar ibn Abdul Barr. L'imam ibn Abdul Barr, il est très célèbre. Il a un livre qui s'appelle Al-Isti'ab. Al-Isti'ab, c'est un livre au sujet des Sahaba. Et il y a un autre livre également écrit par Ibn al-Athir. Ibn al-Athir. C'est le cinquième titre qui est mentionné, qui s'appelle Usudul Ghaba. Usudul Ghaba. Usud, qui est le pluriel de Asad, c'est-à-dire les lions. Donc il parle des Sahaba. Et non. Il dit wa kullu hada fi Sahaba ridwanallahi alayhim li bayani suhbatihim wa bayani fadlihim ridwanallahi alayhim. Donc tout ça, c'est pour les sahaba, pour mentionner yani le fait qu'ils ont été des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pour mentionner également leur mérite. Il dit وَالتَّرَحُمُ عَلَى جَمِيعِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَعَلَى آلِهِ وَالْكَفُّ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُمْ وَالتَّرَضِّي عَنِ الصَّحَابَةِ بخلاف الخوارج والروافض والنواصب. Donc il dit, et également, donc tu dois envoyer la miséricorde sur tous les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et sur sa famille, et il dit, et tu dois te retenir de parler ou de rentrer dans ce qui est arrivé entre eux comme conflit et comme fitna à l'époque où il y a eu la fitna. Donc tu dois t'abstenir de parler de ça et de rentrer là-dedans. C'est-à-dire que tu dois mentionner la satisfaction d'Allah sur tous les sahaba, et quand tu mentionnes les sahaba, tu dis radiyallahu anhum. Si c'est un homme, tu dis radiyallahu anhu. Si c'est une femme, tu dis radiyallahu anha. Et si ce sont plusieurs, tu dis radiyallahu anhum. Contrairement aux Khawarij. Hein, parce que les Khawarij, on sait que les Khawarij, hein, il y en a qui ont fait le takfir des Sahaba. Puis les Rawafid. Les Rawafid, c'est yani, le pluriel du terme Rafida. Ce sont des gens qui ont déclaré Abu Bakr, Omar et Uthman comme étant des kuffars, ainsi que le reste des Sahaba, excepté un 4 ou 5. Hein, et ils prétendent, comme on a mentionné tout à l'heure, qu'ils ont volé le khilafa de Ali radiallahu anhu. Et on sait très bien que ça c'est un mensonge. Hein, on sait très bien que c'est un mensonge. Puisque Ali radiallahu anhu, c'est lui-même qui a donné la bay'a, lui-même il a donné son allégeance aux autres khulafa avant lui. Hein, et il les aimait en Allah et eux l'aimaient en Allah. Donc, il y a une autre catégorie qu'on appelle al-nawasib. Et al-nawasib, c'est le contraire, le contraire des rafidah. Nawasib, c'est le pluriel de nasiba. Et nawasib, ça veut dire ceux qui ont, parce que al-rawafid, eux, prétendent aimer la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam et vouloir défendre la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses descendants. Al-Nawasib, c'est ceux qui détestent la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses descendants. Donc ça, c'est une autre secte d'égarement qui oppose la première, et ce sont yani, parmi les Khawarij. Mais en même temps, les gens, parmi les Rafida par exemple, ils accusent Ahl-Sunnah de faire partie des Nawasib. Ils accusent Ahl-Sunnah de détester la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la raison pour ça, c'est que pour eux, si tu les adores pas en dehors d'Allah et que tu les élèves pas au degré de divinité, eh bien, tu les détestes. Hein? Ou si tu n'es pas d'accord avec l'idée qu'ils ont sur le khilafa de Ali, eh bien, pour eux, tu n'aimes pas Ahlul Bayt. Tu n'aimes pas la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, tu fais partie des Nawasib pour eux. Alors qu'on sait très bien que la réalité, c'est hein, pas du tout, c'est pas du tout ça. Et qu'on aime au contraire Ahlul Bayt et on les respecte. Mais on ne va pas tomber dans l'extrême et dans l'exagération de les adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ou de tomber dans le shirk à ce sujet-là. Ou bien de commencer à détester ou dénigrer les autres sahaba, yani. À cause de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque déjà ils s'aimaient eux entre eux, et même que Ali radiallahu anhu il a donné sa propre fille en mariage à Omar ibn al-Khattab, Umm Kulthum, hein, et ça c'est quelque chose qui est connu, et il y a plein d'exemples de ça dans yani, entre les sahaba. Wa hunaka khawarij yat'anun wa yukaffirun man ba'da man ba'd Abi Bakr وعمر وعثمان وعليا ومن بعدهم والمعتزلة يطعنون في من شارك في القتال بين علي ومعاوية رضي الله عنهم ويطعنون في عدالتهم قبحهم الله والروافض قبحهم الله يطعنون في كل الصحابة إلا ثلاثة أو أربعة إلا عليا وبلالا وعمارا وسلمان والمقداد كما يقولون أما أبو بكر وعمر أما هؤلاء فيكفرونهم ويزمون أنهم في النار عليهم من الله ما يستحقون قبحهم الله هم الكفار هم الكفار يكفرونهم ويرون أن أبا بكر وعمر من أشد الناس عذابا قبحهم الله وفي الدركات السفلى من النار قبحهم الله الدجالين الكذابين نسأل الله أن يجعلهم في الدركات السفلى لأنهم يجمعون بين الزندقة والنفاق والمنافقون في الدرك الأسفل من النار نسأل الله أن يحشرهم مع المنافقين قاتلهم الله والخوارج يطعنون ولكن ما وصلوا إلى ما وصل إليه الروافض قبحهم الله ثم الروافض يجمعهم أو يجمعون إلى بغضهم للصحابة فكر الجهمية وفكر المعتزلة وفكر الخوارج وكل بلاء فيهم قبحهم الله. Donc le cheikh il explique que les Khawarij, ils critiquent, ils attaquent et ils déclarent kuffar après Abu Bakr et Omar, Uthman et Ali et ceux qui viennent après. Donc après Abu Bakr et Omar, ils déclarent kuffar Uthman et Ali. Et c'est eux qui ont tué Uthman et c'est eux qui ont tué Ali, hein, radiyallahu anhuma. Et ils ont également déclaré kuffar ceux qui les ont suivis. Et les Mu'tazila, eux, eh bien, ils parlent contre ceux qui ont participé à la bataille entre Ali et Muawiyah, radiyallahu anhum. Et ils attaquent leur honnêteté, hein, et ils mettent en doute leur honnêteté et leur justice. قبحهم الله. Il dit, et le Rawafid, hein, que Allah les maudisse, il dit que eux, les Rawafid, qui est le pluriel des Rafidas, c'est-à-dire, ils, comme j'ai dit tout à l'heure, eux, ils attaquent et ils insultent et ils déclarent kuffar tous les Sahaba, excepté trois ou quatre. Hein? Et ceux qu'ils déclarent comme étant corrects, c'est Ali, radiallahu anhu, et Bilal, et Ammar, et Salman, et Al-Miqdad. Puis, les autres, ils les déclarent kuffar. Et ils disent que Abu Bakr et Omar sont, ce sont eux les plus pires. Pour eux, c'est Abu Bakr et Omar les pires. Et ils les déclarent kuffar et ils disent qu'ils seront en enfer. Et le cheikh, il dit que Allah leur donne ce qu'ils méritent. Ce sont eux les kuffar, que Allah les maudisse. Et il dit, eux, ils déclarent et ils considèrent Abu Bakr et Omar comme étant ceux qui auront le plus dur châtiment dans l'enfer. Que Allah les maudisse. Et qu'ils prétendent qu'ils seront dans les niveaux les plus bas de l'enfer. Ils prétendent qu'Abu Bakr et Omar seront dans les niveaux les plus bas de l'enfer. Que Allah les maudisse. Et il dit, ce sont des menteurs, des grands menteurs. Et on demande que Allah subhanahu wa ta'ala les place, eux, dans les niveaux les plus bas de l'enfer. Et qu'il les parce que c'est des gens qui réunissent l'hérésie et l'hypocrisie, le nifaq. Et on sait que les munafiqoun, ce sont ceux qui seront dans le niveau les plus bas de l'enfer. Et donc il dit, on demande à Allah qu'il les rassemble et qu'il les ressuscite avec les hypocrites et qu'il les réunisse dans l'enfer avec les hypocrites, que Allah les maudisse. Il dit, en ce qui concerne les Khawarij, eh bien, les Khawarij, ils n'ont pas insulté et attaqué les Sahaba au même degré que les Rawafid. Hein, ils ne sont pas arrivés à le même extrême. Hein, que Allah les maudisse. Mais il dit quand même, les Rawafid, ils réunissent en eux-mêmes aussi de la haine pour les Sahaba. Et les Rawafid, eux, ils ont réuni ensemble plusieurs bid'ahs ensemble en même temps. Donc les Rafidah, ils réunissent, en plus de détester les Sahaba, ils ont en même temps des idées des Jahmiyyah, de la négation des attributs d'Allah et dans le Qadar aussi. Ils ont la position des Mu'tazila, ils nient le Qadar, et ils ont des idées des Khawarij aussi, puisqu'ils appellent toujours à se révolter contre les dirigeants. Et ils ont beaucoup d'autres également parmi les égarements des différentes sectes, que Allah subhanahu wa ta'ala les maudisse. Et donc, il dit qu'il y a un bon livre, il y a un livre qui est cité ici en note de bas de page, qui est le livre qui s'intitule Wasatiyatu Ahli Sunnah Bain al-Firaq, c'est-à-dire le juste milieu des gens de la Sunna parmi les sectes. Et dans le chapitre numéro 4, c'est le juste milieu des gens de la Sunna au sujet des Sahaba parmi les différentes sectes. Et ce livre a été résumé par le cheikh Dr Khalid Ibn Dahwi Al-Zafiri Wafaqahu Allah. Et donc c'est un livre qui a été résumé, c'est un très très bon livre qui a été résumé par le cheikh Khalid Al-Zafiri, qui est un des élèves de Cheikh Rabia. Donc nous, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on continuera ce cours, Inch'Allah, demain, bi'ifnillah. Et comme on avait annoncé sur Twitter, on avait expliqué que le mardi, il y a notre frère Abdul Malik, Abu Adam, qui donne son dars. Donc, étant donné qu'il commence lui à 8 heures, eh bien, on va essayer de commencer quelques minutes plus tôt, 15 minutes plus tôt, pour finir 15 minutes plus tôt, pour que lorsqu'on termine, ce sera quelques minutes avant 8 heures. Comme ça, ceux qui veulent assister au cours de notre frère Abdul Malik, Abu Adam, Hafizahullah, eh bien, ils vont pouvoir le faire. Donc, barakallahu fikum, wa jazakumullahu khayran, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahu wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. A demain, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.